بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ف cette nuit, la nuit du 12 du mois de Rabi al akhir de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le plaisir de nous réunir avec les frères de la ville de Toulouse, hafidhahumullah, pour, comme je l'ai dit, se rappeler certaines bases et certains fondements de la méthodologie des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. En particulier, ces fondements et ces bases à propos desquels certaines personnes jettent le doute. C'est-à-dire que ils sont insistants et ils font des efforts afin de jeter le doute sur des fondements et des bases qui sont connus chez les gens de la Sunna, qui font partie du manhaj salaf, mais qui, à cause de ces efforts qu'ils emploient pour jeter le doute à ce propos, de même à cause du manque de certains d'entre nous, et sans aucun doute nous avons tous des manquements à ce sujet, du manque de révision et d'apprentissage, et le manque de certains d'entre nous concernant l'importance donnée à l'étude de ces sujets. Parfois, on peut voir que certains de nos frères sont assidus dans l'apprentissage du Coran, la mémorisation. Certains sont assidus dans l'apprentissage de la langue arabe. Certains sont assidus dans certaines sciences religieuses. Mais ils ne donnent pas l'importance qu'il faut à cette science qui est une science à part entière. La science de l'manhaj. La méthodologie des pieux prédécesseurs. Ce manhaj qui était avancé comme un traité des gens de la sunna par beaucoup des imams de cette communauté. Comme je l'ai cité lors du cours d'aujourd'hui ou à la fin du cours d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, comme les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, les fondements de la sunna de Ali ibn al-Medini, les fondements de la sunna de Abu Hatim et Abu Zur'a al-Raziyayn, les fondements de la sunna de l'imam al-Bukhari, les fondements de la sunna de l'imam al-Awza'i, de l'imam al-Bithawr, de Sahel ibn Abdillah al-Tustari, les fondements de la sunna qui ont été rapportés pour beaucoup de ces traités dans le livre Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam al-Lalakai, rahimahullah ta'ala, et toutes ces bases et tous ces fondements et tous ces traités de manière générale renvoient vers la même chose, la croyance authentique et la méthodologie authentique qu'avaient nos pieux prédécesseurs. Et si tous ces imams ont écrit des traités qui traitent de ce manhaj en y exposant des bases et des fondements, c'est bien qu'il y a une importance capitale pour le musulman. Et un asl, un fondement dans cette science qui est la science de l'manhaj, la méthodologie, ou dans la science de la croyance, l'aqida, qu'est-ce que cela indique? Al-asl, le fondement, c'est une chose que si une personne la contredit, elle sort de la voie des gens de la sunna. Un seul fondement, un seul fondement. Une personne qui contredit par exemple ce fondement des gens de la sunna, qu'est le fait qu'il n'est pas autorisé de se révolter contre le gouverneur. Une personne qui aura une croyance de manière générale sur les noms et attributs d'Allah Azzawajal, une croyance qui sera authentique à ce sujet, sur l'iman, la foi, qui sera authentique à ce sujet, une croyance authentique à propos de l'qadar, la prédestination, à propos de sahaba, mais qui, dans cette porte, et à ce sujet, le sujet de l'obéissance au gouverneur, verra qu'il est autorisé de se révolter contre lui. Cette personne-là, elle sort de la sunna sans condition. C'est un sujet qui est exposé dans l'ensemble des traités des gens de la sunna. cette personne, si elle contredit l'un de ses fondements, même si elle est en concordance avec les fondements des gens de la Sunna à propos de tous les autres fondements qui sont exposés, le simple fait qu'elle contredise un fondement des fondements des gens de la Sunna la fait sortir de la Sunna. C'est-à-dire que cette personne-là l'appellera Khariji, Takfiri, voilà Karam. Et ce même si elle est en accord avec les gens de la Sunna sur tous les autres sujets de la religion. Et ça, c'est la définition de l'asl, le fondement, dans cette science que nous étudions, al-manhaj, l'aqida, de manière plus générale. Et certaines personnes parmi ces bases, à propos desquelles ils jettent le doute, comme je l'ai évoqué aussi aujourd'hui, le fait qu'ils, quand je dis ils, vous avez compris, ce sont des gens donc qui, pour certains d'entre eux qui sont des détracteurs des gens de la Sunna, qui ne sont pas des gens de la Sunna, qui sont des gens de l'innovation, des gens qui contredisent clairement les gens de la Sunna, et pour certains d'entre eux, parmi ces gens qui jettent le doute sur ces fondements, des gens de la Sunna, mais qui ont des manquements à propos de la Sunna et la connaissance de ses fondements. C'est pour cela que, comme vous le savez, comme on l'a déjà vu ensemble par le passé, les gens de la Sunna sont clairs. Parce que ce manhaj est un manhaj qui est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Taraktukum ala al-bayda, laylouha kanahariha, la yaziru anha illa halik. » Je vous ai laissé sur la voie claire, de nuit comme de jour. De même, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, La tazalu ta'ifatun min ummati, ala al-haqi zahiri. Il ne cessera de subsister dans ma communauté un groupe qui sera apparent sur la vérité, ala al-haqi zahiri, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes apparents sur la vérité et que cette vérité qu'ils défendent est apparente elle-même. Et ça, c'est le manhaj des pieux prédécesseurs. Un manhaj qui est clair, qui n'est pas ambigu. Une personne qui est ambiguë, une personne qui n'est pas claire dans ses positions au sujet de la sunna, au sujet de la bid'a, comme on l'a dit aussi. C'est bien ça la croyance de l'wala ou al-bara, qui fait partie des fondements de l'islam. Le fait de s'allier et de se désavouer en Allah et pour Allah. Un des fondements de notre religion, un des fondements de notre manhaj, al-wala wa al-bara, une personne qui s'allie aux alliés d'Allah, aux croyants, plus particulièrement aux croyants qui sont sur la sunna, et qui se désavouent de ceux qui contredisent cela, que ce soit les ennemis d'Allah, à tout niveau, ou des personnes qui ont une part dans cette alliance que nous avons pour nos frères musulmans, mais qui ont aussi une part de ce désaveu que nous avons pour certains d'entre eux, comme par exemple les gens de l'innovation. Donc, comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les deux recueils authentiques, « La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqi zahirin » Il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe qui sera sur la vérité, qui sera apparent. Ce groupe est apparent, car ils sont clairs, ils sont exposés aux yeux de tous, et la vérité qu'ils défendent, est une vérité qui est apparente. Car cette vérité, c'est bien Al-Bayda, cette voie éclatante sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, nous avons les preuves qui nous montrent qu'il est obligatoire pour la personne des gens de la Sunna d'être clair, que ses fondements qu'il défend soient clairs, cette vérité qu'il défend est claire, et sa manière de la défendre est claire, exposée aux yeux de tous. Puis à la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum » Il ne leur nuit pas, à ce groupe qui est apparent sur la vérité, ceux qui les contredisent, « man khalafahum wala man khadalahum » ceux qui ne les secourent pas, qui les délaissent, qui ne les secourent pas. Et les ulama nous disent qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué deux sortes de personnes. Ceux qui contredisent les gens de la vérité, qui défendent cette vérité claire, et qui eux-mêmes sont clairs et apparents sur cette vérité. Il y a ceux qui les contredisent. Ceux qui les contredisent, ce sont les gens qui ne sont pas de ce manhaj, qui ne sont pas des gens de la sunna, qui sont extérieurs aux gens de la sunna, car elle te contredit. Il n'est pas d'accord avec toi. Il est extérieur à ce manhaj. Donc les gens de la bid'a, ceux qui contredisent les gens de la sunna clairement. Ceci ne les nuit en rien. Ces derniers ne les nuit, ou ne leur nuisent plutôt en rien. Et man khadalahum. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum. Et ne leur nuit pas ceux qui les contredisent, donc les gens de l'innovation, ceux qui sont extérieurs à ce manhaj, ni ceux qui les délaissent, qui ne les secourent pas. Celui qui délaisse les gens de la sunna qui ne le secourent pas, celui-là, il vient de l'intérieur. Il fait partie des gens de la sunna. Mais c'est quelqu'un qui ne secourt pas les gens de la sunna. Al-mukhadhil, al-mudhabdhab, et autre que cela parmi ces gens, la personne qui est laxiste, une personne peut être laxiste dans son manhaj, elle n'est pas laxiste au point qu'elle sorte de le manhaj des gens de la sunna, mais elle a du laxisme. Combien il y en a ? De même, pour évoquer ces sortes de contradictions avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exagération, bien souvent on parle de laxisme, mais l'exagération aussi est une contradiction à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui exagérera, sans aucun doute, celle-là, elle sera une personne qui sera interne à ce manhaj, c'est pas quelqu'un qui sort de la salafia, c'est pas quelqu'un qui sort de la voie des gens de la bida, des gens de la sunna, ce n'est pas quelqu'un qui sort de la voie des gens de la sunna, mais c'est quelqu'un qui sera exagératrice, qui sera laxiste, et toutes ces choses-là sont des contradictions à la voie des gens de la sunna, malgré que cette personne fait partie de nous, est une personne qui fait partie des gens de la sunna. Donc là, on a l'importance qu'on doit donner à l'éducation de nos frères, à s'éduquer nous-mêmes, à éduquer nos frères, à réviser et à s'entraider et se raffermir sur ce manhaj. S'entraider et se renforcer sur ce manhaj en faisant ce genre d'assises où celui qui ne savait pas apprend, l'ignorant d'une chose apprend, celui qui a oublié se rappelle, celui qui a une faiblesse se renforce avec ses frères en se rappelant ses fondements des gens de la sunna. Donc on a cette personne-là qui est laxiste, celui qui est exagérateur, on a celui aussi qui est mukhadhil, c'est-à-dire celui qui ne secourt pas, celui qui est avec les gens de la sunna. Mais lorsque, vous vous rappelez le cours d'aujourd'hui après l'Asr, on a parlé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Unsur akhaka dhaliman aw madhluman » secours ton frère qu'il soit injuste ou qu'il ait subi de l'injustice. S'il a subi de l'injustice, ceci est clair. Mais s'il est injuste, comme l'a demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, tamna'uhu min adh-dhulm, tu l'empêches de faire du dhulm, tu l'empêches de faire de l'injustice. C'est comme ça que tu le secours. Et de manière générale, tout ce qu'on a vu, les hadiths qu'on a vu aujourd'hui au cours du Asr, ils reviennent à la même chose, c'est-à-dire le fait que tu secours celui qui est sur la sunna, celui qui est en concordance avec les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre celui qui sera en désaccord avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne-là qui est un mukhadhil, qui délaisse, qui laisse tomber les gens de la sunna, qui ne les secourt pas, sera une personne qui, lorsqu'il faut prendre position, vous vous rappelez la fatwa de Cheikh Ibn Baz que j'ai citée, lorsque la vérité est apparente et claire, mais une personne te dit, on ne rentre pas, je ne rentre pas dans les troubles, je ne rentre pas dans ces affaires-là, ce sont des troubles, je m'en écarte. Mais Cheikh Ibn Baz, l'imam Abdulaziz Ibn Abdillah Ibn Baz, rahmatullahi alayh, l'a dit clairement, on l'a lu tout à l'heure ensemble. Cette personne-là, elle parle de hadith qui traite des fitaines où les choses ne sont pas claires. À partir du moment où la vérité apparaît clairement, un exemple comme dans cette fitna que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est appelée fitna tussa'afiqa. La vérité est claire et apparente. La vérité aujourd'hui est une vérité qui est claire et apparente. Celui qui dit, moi je ne rentre pas dedans, je m'écarte, tout le monde est sur une bonne voie. Non, ça ce n'est pas clair. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Ça ne veut pas dire que tu te dois de venir parler aux gens, polémiquer avec les gens, aller sur les réseaux sociaux polémiquer, parler et rentrer dans des choses que tu ne connais pas. Non, ça veut dire que tu te dois de prendre une position. Quelle est cette position ? La vérité. Quelle est la chose qui nous incombe tous ici ? Al-haq. La vérité est une chose qui nous incombe tous. Et parmi ces fondements, à propos desquels ils jettent le doute, ayyuhal ikhwa, ces règles qui sont utilisées par certains parmi les gens de l'innovation, et ces règles qu'ils utilisent pour jeter le doute à propos des fondements des gens de la sunna, en particulier en ce qui concerne la manière de se comporter avec celui qui est innovateur ou celui qui a ses faiblesses, donc c'est-à-dire ici, on dira « al-mukhalif » ou « al-mukhadhil », c'est-à-dire celui qui contredit les gens de la sunna ou celui qui ne les secourt pas, les délaisse, qui n'est pas clair, qui est laxiste, qui est même exagérateur, mais il fait partie des gens de la sunna. Parmi ces fondements qu'ils utilisent, une règle innovée, qui est la yalzamuni. La yalzamuni. La yalzamuni. La yalzamuni, c'est-à-dire ceci ne m'incombe pas, ceci ne m'implique pas, je ne suis pas obligés de suivre cette chose-là. Ils ont utilisé cette règle. Et ils l'ont mise en avant pour repousser et rejeter les règles et les jugements des gens de la sunna parmi les ulama, des gens de la sunna qui connaissent les fondements de la critique et de l'éloge, comme on a parlé tout à l'heure, sur les innovateurs. Lorsque tu ramènes la parole d'un savant de la sunna qui a étudié le cas d'une personne, comme par exemple Al-Allama Rabi ibn Hadi, Al-Madkhali, Rahimahullah Ta'ala, lorsque tu ramènes son jugement sur Sayyid Qutb, et que tu dis, Cheikh Rabi a écrit tant et tant et tant de livres, parce que cette personne-là, c'est une des têtes de Al-Khawarij de cette époque. Et ces gens te disent, ce que a dit Cheikh Rabi, Allah yalzamouni, je ne suis pas obligé de suivre sa parole. Ceci est faux. La parole que tu suivras ici, ce n'est pas la parole de Rabi, ce n'est pas la parole de Amr ou de Zayd. Ce que tu suivras et ce qui t'incombe à toi, comme à l'ensemble des musulmans, c'est le haqq. Et Cheikh Rabi, par exemple, concernant Sayyid Qutb, il a exposé la vérité avec les preuves, avec ses paroles à lui. « Min fik, nadinu kabima, fik, de ce que tu as dit, nous faisons ton jugement par rapport à ce que tu as dit, tes propres paroles. » Donc, la vérité est exposée clairement. Tu te dois de secourir cette vérité et de croire à cette vérité et de suivre cette vérité. Suivre cette vérité, la croire et l'accepter, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne parlera de cette route, tu te dois de ramener tous ses égarements, etc., alors que tu ne les connais pas, ou être contre cette personne, mais tu te devras d'accepter cette vérité, de savoir que cette personne-là, cette route ou autre parmi les gens de la bid'a, sont des gens de la bid'a de qui tu ne prends pas. Ça, c'est ce qui nous implique tous. La yalzamouni, non. Ce qui t'implique à toi, ça ne m'implique pas. Je ne suis pas concerné. Ça ne me concerne pas, la yalzamouni. Ce qui te concerne à toi, comme à l'ensemble des musulmans, c'est la vérité, le suivi de la vérité. Parmi ces règles aussi qu'ils utilisent, ayyuhal ikhwa, pour jeter le doute sur des fondements, et parmi ces fondements que j'ai évoqués ici, ces fondements, comme vous le voyez, touchent à plusieurs points. Ces points que j'ai exposés aujourd'hui au cours du Asr, ou des points que j'ai exposés avec vous en aparté, qui touchent, et malheureusement de nos jours, on voit que c'est une chose qui est récurrente. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre que les réseaux sociaux. Mais comme vous le savez, le mal qu'il y a sur ces réseaux sociaux est quelque chose qui n'est plus à démontrer. Mais, c'est-à-dire, beaucoup de gens se posent des questions à ce propos. À propos de ce qui est de la réfutation de l'innovateur. La réfutation, pas seulement de l'innovateur, mais de celui qui est tombé dans l'erreur, et ce même si ce n'est pas un innovateur. La réfutation, de réfuter ses erreurs et de conseiller cette personne-là, que ce soit publiquement ou en secret. Quoi qu'il en soit, la voix des gens de la sunna concernant la réfutation de l'innovateur est que celui qui s'est trompé doit être réfuté. Comme le disait Maymoun ibn Mihran, parmi A'imatus Salaf, il disait « Man asa'a sirran, falyatub sirran, wa man asa'a alaniyatan, falyatub alaniyatan. » Celui qui s'est trompé en secret, qu'il se repente en secret, mais celui qui s'est trompé en public, qu'il se repente en public. La personne qui s'est trompée en public, qui ne se repent pas en public, qui ne sait pas l'erreur qu'il a fait, ou qu'il sait l'erreur qu'il a fait, mais qu'il ne se repent pas en public. Les gens, s'il a parlé en public, les gens ont entendu. Il faut mettre en garde contre ce faux. Donc, nous sommes dans l'obligation de mettre en garde contre cela. Ceci est la voix des prophètes et messagers. Ceci est la voix des prophètes et messagers, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans ce livre. « Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula » Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit qui les appelle à n'adorer qu'Allah et à s'écarter de Tawhout. Regardez bien, chaque messager venait à son peuple, pas en lui disant simplement adorer Allah, il les appelle uniquement au Tawhid, il les appelle uniquement au bien, et à partir du moment où il les a appelés au bien, le mal et le faux leur apparaîtra clairement, comme certains le prétendent. Ces fondements et ces bases sur lesquelles ils jettent le doute. Ils disent, moi, j'appelle au bien, j'appelle au tawhid, et les gens comprendront après que je les ai appelés au bien et comprendront le mal. Ceci est faux. Ceci est une voie innovée. Ceci n'est pas la voie des prophètes et messagers. Plutôt, les prophètes et messagers venaient avec l'appel au tawhid wa islahul aqaid, c'est-à-dire la rectification des croyances. Il venait corriger les croyances. Donc il venait appeler au tawhid et mettre en garde contre les shirks. Il venait appeler à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à sa sunna et mettait en garde contre les innovations. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Vous l'entendez à chaque jumu'a dans khutbat al-haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait à cela. Mettez en garde contre les innovations. Tu ne peux pas appeler au bien et penser que les gens vont connaître le mal par eux-mêmes. Tu te dois d'appeler au bien et de mettre en garde contre le mal. Et ceci était la voix des prophètes et messagers. Celui qui prétend autre chose que cela et qui prétend appeler à l'islam authentique d'une autre manière que cela, il aura certes contredit la voix et l'appel des prophètes et messagers, les meilleurs des hommes. Ceux qui ont été envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala pour la prédication et l'appel à Allah azza wa jal. Donc c'est un égarement évident, ceux qui prétendent et qui mettent le doute sur la mise en garde, la réfutation, le fait de corriger les erreurs, et autre que cela. Ceci est une chose sur laquelle ils mettent le doute, et ils jettent le doute. Et sans aucun doute, comme vous le savez, il y a nombre et nombre de preuves à ce propos. Et parmi ces gens qui jettent le doute, ces personnes qu'on a déjà évoquées précédemment, comme ces personnes comme Ali al-Halabi, Mashour Salman, etc., que vous connaissez, Abul Hassan al-Ma'ribi, Adnan Arour, et autres que eux. Parmi eux, Ali Hassan al-Halabi qui disait, il n'y a pas de preuve sur l'existence d'une science qui s'appelle Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Pas de preuve. Tu te dis, est-ce que cette personne il lit le Coran? Est-ce qu'une personne comme lui lit le Coran? Et j'en profite pour évoquer ici, encore une fois, peut-être que certains n'étaient pas là, qui ne sont pas encore arrivés, certains qui entendent ici, cette règle de trois qu'on a parlé tout à l'heure, cette règle de trois que certaines personnes rapportent en disant, il te faut, avant de prendre la science de quelqu'un, demander sur trois choses. Quelles sont ces trois choses? Dis-nous, explique-nous. Chez qui il a étudié? Où est-ce qu'il a étudié? Combien de temps il a étudié? C'est comme ça que tu prends la science de quelqu'un? D'où elles viennent ces règles-là? Chez qui il a étudié? Combien de temps il a étudié? Et où est-ce qu'il a étudié? Ali Hassan al-Halabi. Si on demande à propos de lui, chez qui il a étudié? Il est resté pendant des années chez Cheikh Al-Albani. Combien de temps? Des années au point que tu entends son nom dans toutes les cassettes de Cheikh Nasser. Rahmatullah Ali. Cheikh Nasser Al-Albani. Muhaddith Al-Asr. Parmi les imams de ce temps. Cette personne-là, il a étudié chez lui. Il est resté, il l'a accompagné pendant combien d'années? Donc cette règle de trois, elle s'applique à tout le monde sauf à Ali Hassan. Prends-en d'autres et d'autres et d'autres. Il y en a beaucoup. Ce qui t'incombe, c'est de savoir de qui tu prends la science. Que cette personne-là soit quelqu'un de fiable. Tu le sais en demandant aux gens qui connaissent les bases de la critique et de l'éloge, ces personnes-là te recommanderont cette personne-là ou te mettront en garde contre cette personne-là. Sans aucun doute, il est bien de savoir le cursus de la personne chez qui tu vas étudier, mais ce n'est pas uniquement comme cela. Et tu lui demandes cette personne-là, il peut t'avancer un cursus et c'est un menteur, un grand menteur. Il te dit telle et telle chose. Quoi qu'il en soit, barakallahu fikum. Ali Hassan al-Halabi qui disait qu'il n'y a pas de preuve sur l'existence d'une science qui s'appelle al-Jarh wa al-Ta'dil. Al-Jarh wa al-Ta'dil, la science de la critique et de l'éloge. Et de manière générale, la science, c'est la critique et l'éloge, comme je vous l'ai dit à Yuel Ikhwa. Ce n'est pas le résumé du manhaj. Quand on parle de manhaj, certaines personnes se disent le manhaj, c'est les roudoud, les réfutations et la critique et l'éloge. Pour eux, c'est ça. C'est ça le manhaj. Non, le manhaj ne se résume pas à cela. Et celui qui résume le manhaj à cela est dans l'erreur, et celui qui prétend que les gens de la sunna résument le manhaj à cela sont dans l'erreur. Si vous vous rappelez, pour certains qui ont comme Nasruddin ou d'autres frères m'ont dit, qu'ils ont suivi donc le cours, une série de cours qui étaient les caractéristiques principales des gens de la sunna, j'avais expliqué, parmi ces caractéristiques-là, j'ai évoqué 10 caractéristiques, et parmi ces caractéristiques-là, on voit des gens de la sunna concernant la science de la critique et de l'éloge. Donc c'est un des 10 points que j'ai évoqué uniquement. On ne résume pas le manhaj à cela, mais il est aussi important de remarquer que ça fait partie des fondements de ce manhaj, comment se comporter concernant la science de la critique et de l'éloge. Celui qui se trompe, celui qui tombe dans l'innovation et autre que cela. Et donc ces gens-là qui jettent le doute au point de dire il n'y a pas de preuve. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, et dans une qira'a, fatathabbatu, ô vous qui avez cru. Lorsque le pervers vient à vous avec une nouvelle, avec une information, enquérissez-vous de la véracité de cette information. Ceci est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme le dit le Hafid ibn Kathir dans son tafsir, il dit ceci concernant celui qui est connu comme étant un pervers notoire, de même que celui qui n'est pas connu, on ne sait pas qui il est, al-majhoul, celui à propos de qui on ne connaît rien, on ne sait pas, donc il est possible que ce soit un pervers notoire comme l'autre, à propos de qui on est obligé de s'enquérir de la véracité de son information, et il se peut que ce ne soit pas comme cela, mais lui aussi, tu te dois de t'enquérir de la véracité, puisque tu ne connais pas son cas. Et comme il le dit, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il dit, et on comprend par l'inverse, la compréhension inversée de ce verset, que celui qui est connu comme étant quelqu'un de juste et de droit, on ne recherche pas à savoir si l'information qu'il rapporte est véridique. On ne s'enquiert pas de la véracité de l'information. On l'accepte. Fiqa, tu acceptes son information. Et parmi ces règles à propos duquel il jette le doute, Ali Hassan al-Halabi qui nous dit par exemple, Ali Hassan, Aboul Hassan al-Ma'ribi et autres que cela, on dira, mais Ali Hassan n'est-il pas décédé il y a quelques années? Il est décédé depuis quelques années. Mais c'est quelqu'un qui a ramené des règles qui perdurent et qui sont héritées les unes des autres. Que les gens héritent les uns des autres. Pour ceux qui sont les plus anciens parmi vous, est-ce que vous vous rappelez d'un site qu'il y avait il y a quelques années, quand je dis quelques années, je parle de près d'une vingtaine d'années, qui s'appelait Riyad Salihin? Qui se rappelle de ce site-là? Tu te rappelles, Hakim? Tu te rappelles, Zindi? Un site que les anciens connaissent, Riyad Salihin, ici traduit en français. C'est un site, on va dire, qui était un peu un site de référence dans la da'wah francophone, pendant un moment. Et je parle de ça il y a une vingtaine d'années, les frères. Sauf que sur ce site, le livre qui était avancé, traduit en français, c'était Les fondements de la da'wah salafia par Ali Hassan al-Halabi. Ça veut dire que les gens qui se sont éduqués à cette époque et qui après, par la suite, ont éduqué les autres ici en France, sont des gens qui ont bu ces paroles-là, qui ont bu ce manhaj-là. Donc cette personne, elle est décédée. Mais il y a combien de gens qui ont bu ce manhaj? Même certaines personnes, et faites bien attention, certaines personnes qui reconnaissent que Ali Hassan al-Halabi était un innovateur, que Aboul Hassan al-Ma'ribi est un innovateur, et qui reconnaissent ces choses-là, mais qui se sont éduqués sur ces règles-là, ou qui ont comme ambiguïté certaines de ces règles-là, jusqu'à maintenant, malgré qu'ils reconnaissent que ce sont des innovateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié leurs égarements, et parce qu'ils n'ont pas étudié leur manhaj correctement. Donc ils continuent à avancer avec ce genre de règles. La yalzamouni, at-tathabbut min akhbar al-thiqat, parmi les règles qu'ils utilisent pour jeter le doute, ils disent qu'il est obligatoire de s'enquérir de la véracité de l'information de quelqu'un de sûr. Là, on vient de voir la parole de l'Hafid ibn Kathir, qui nous dit que la compréhension inverse de ce verset est qu'on n'est pas obligé. Plutôt, ce qui était obligatoire, c'est d'accepter là l'information de celui qui est thiqa, qui est sûr. Parmi ces règles aussi inventées qu'il ramène et sur lesquelles il jette le doute et ils emploient plusieurs moyens, donc ces règles-là et plusieurs autres moyens qu'ils emploient pour jeter le doute sur ces fondements des gens de la sunna, ils disent « Idha hakamta hukimta, idha hakamta hukimta ». Si tu juges, tu donnes un jugement sur quelqu'un, on te jugera. Ils essayent de faire peur aux gens comme cela. Et regardez ces gens qui sont appelés aujourd'hui à Sa'afiqa, qui eux sont des gens qui n'ont rien à voir avec Ali Hassan, qui savent les égarements de Ali Hassan. Mais regardez, tashabahat qulubuhum, ces gens-là qui te disent, si tu parles de cette manière-là, Cheikh Rabi, elle va parler sur toi. Ils l'ont dit à notre cheikh et notre père, Cheikh Hassan rahmatullah ali, une personne de 98 ans, il l'appelait pour lui dire, et je le sais, parce que Cheikh Hassan, c'était comme mon père, et il me l'a dit, il m'a dit, un tel m'a appelé et m'a dit, si tu te ranges pas de notre côté, Cheikh Rabi, il va parler sur toi. Et Cheikh Rabi, c'était l'ami intime de Cheikh Hassan. Ils étaient amis depuis de nombreuses années. Et Cheikh Hassan, il avait beaucoup d'estime pour Cheikh Rabi, comme Cheikh Rabi, il avait beaucoup d'estime pour Cheikh Hassan. Mettons dans cette situation, quelqu'un que tu... On ne parle pas d'un ami de 10 ans, on parle d'un ami de 50 ans, les frères. Et l'estime qu'il y a entre les savants de la sunna, ces grands savants, qu'est-ce que ça lui a fait dans son cœur? Je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer et nous dire, ça c'est quelque chose qui m'en fout. Pourquoi il ne me laisse pas tranquille à mon âge? À mon âge. Ces gens-là, ça a fait pas. Regardez. Et regardez, tashabahat qulubuhum. C'est des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais quelqu'un qui te dit, fais attention, si tu parles en mal sur nous ou si tu ne tranches pas de notre côté, on va parler sur toi, on va émettre un jugement sur toi. C'est la même chose. C'est la même chose d'une différente manière, d'une manière différente. Ces personnes-là, il disait à l'époque, si tu donnes un jugement sur quelqu'un, fais attention, toi aussi tu seras jugé. Dis qu'un tel c'est un mot, peut-être, toi aussi on te donnera un jugement. C'est pour faire peur aux gens, pour que les gens se taisent. et laisse ces fondements des gens de la sunna. Pareil, parmi ces règles sur lesquelles ces règles qu'ils utilisent pour jeter le doute par rapport aux fondements des gens de la sunna à propos de ce sujet, faites bien attention à cette règle-là. Ils disent la yuqbalu al-jarhu illa idha kana ijma'an. On n'accepte pas le jarh, la critique, que si c'est un consensus. Et faites bien attention, beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils pensent que ceci est une règle qui est exacte, même s'ils ne la prennent pas comme une règle comme cela, mais leur manière de se comporter et de te parler, lorsque tu leur amènes par exemple l'ambiguïté d'une personne ou la déviance d'une personne, ils te disent mais Cheikh Intel le recommande. La déviance est claire, elle est ici. Et en plus de cette déviance, il y a des savants de la sunna ou des tullab al-ilm de la sunna qui avancent cette déviance et qui jugent par cette déviance qu'un tel n'est pas fiable. Sans entrer dans le fait, est-ce que c'est une personne parmi les gens de la bid'a ou pas. Quand on parle de jarh, la critique, c'est la critique. Comme on dit, un tel c'est un innovateur, c'est une critique. Un tel c'est quelqu'un qui est faible dans sa manière de rapporter les informations, c'est une critique. Lui, ce n'est pas un innovateur, il est simplement faible dans la manière de... Mais c'est une critique. Donc le jarh, ça englobe tout ça. C'est pas parce qu'une personne on dit qu'on le critique que forcément on le sort de la sunna. Faites bien attention à cela. Et donc cette personne-là qu'on va critiquer, c'est beaucoup les jeunes pensent que donc il faut qu'il y ait là un consensus. Et tu comprends cela de la manière dont il ramène la chose. Est-ce que, mais Cheikh Intel lui fait l'éloge. Donc en fait, si Cheikh Intel lui fait l'éloge, c'est bon. Et là, on revient au cours d'aujourd'hui à Yul Ikhwa. Ce ta'assoum pour Ashur. C'est-à-dire que toi, ce qui t'implique à toi, c'est la connaissance de la vérité. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Cheikh Intel. C'est la connaissance de la vérité. Si une personne te ramène la preuve sur le fait qu'un tel est déviant, ceci est ce qui t'implique. Même si Cheikh Intel et Cheikh Intel et Cheikh Intel, ils sont 3 ou 4 contre 1, ou 5 ou 6 contre 1, ou 10 ou 20 contre 1, et cette personne-là a la vérité, on sera achaka zaliman wa mazlouman. Tu te dois de secourir la vérité lorsqu'elle t'apparaît. Ceci est une éducation salafie, ayyuhal ikhwan. Ceci est l'éducation salafie sur laquelle on a du mal à s'éduquer, sur laquelle beaucoup de gens s'emploient à jeter le doute. Tu te dis, ouais, mais Cheikh Intel, ouais, mais Cheikh Intel. S'il y a une parole sur une personne que eux, ils ont dans le cœur, ce fanatisme et ce suivi pour cette personne-là, ils vont ramener toutes les. Est-ce qu'il y a toutes les recommandations des gens en pensant que ces recommandations-là sont quelque chose qui va purifier cette personne. Notre cher Cheikh Hassan, rahmatullah alayh, il avait l'habitude de dire « Ana la uzakki ahadan, al muzakki wallah. » Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qu'on traduira par la recommandation, c'est employé aussi pour désigner la purification. La purification. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit « Wa la tuzakku, wa fala tuzakku, anfusakum, wa a'lamu biman ittaqa. » Ne vous purifiez pas vous-même. Ne vous faites pas des éloges, des recommandations, des purifications. C'est-à-dire que tu dis, ma propre personne est quelqu'un de pur. Donc c'est ça, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui purifie les gens. Qui estime qu'une personne est pure ou pas. La personne, comme il disait Cheikh Hassan, il disait, ana mu'arrif. Moi, je fais un ta'rif, c'est-à-dire je fais connaître la personne. Je dis ce que je sais de la personne. Mais ce n'est pas moi qui purifie, c'est Allah qui purifie. Et cette parole-là, subhanallah, souvent elle l'a répétée. Regardez la science de ces grands savants. Souvent elle répétait cette parole-là, si tu réfléchis bien sur ce terme-là. Le shir, lorsqu'il fait teskiya sur une personne, la recommandation, cette teskiya, elle ne veut pas dire que cette personne-là, elle est acceptée auprès d'Allah. Ça ne veut pas dire qu'il parle de ce qu'il connaît sur cette personne. Il parle de ce qu'il connaît, il recommande selon ce qu'il connaît. Si une autre personne vient avec une information qui contredit cela, avec les preuves, la yel zamouni, non, ce qui t'implique, c'est la vérité. Il vient avec la vérité, cette vérité, elle t'implique, elle t'incombe le suivi de cette vérité. Ça, c'est ça l'éducation salafie, ayyuhal ikhwan. Et malheureusement, là, on parle de choses, même si on ne donne pas des noms, même si on est un peu plus vague ou abstrait sur certains sujets, alhamdoulilah, je pense qu'on n'est pas ambigu. Même si je ne donne pas forcément des noms, mais je ne pense pas être ambigu. Je pense que les choses que je traite ici sont des choses qui sont claires, que vous comprenez tous et que vous arrivez chacun d'entre vous a appliqué à des situations que vous vivez. Je ne dirais pas tous les jours, mais avec vos frères, dans votre vie, dans vos relations avec les frères par rapport à le fanatisme pour un tel, la mauvaise compréhension de la règle un tel. Ah oui, cette chose-là, oui, c'est vrai, il y a ça. Ce frère-là, quand j'ai parlé avec lui, c'est passé ça. C'est vrai, c'est des choses qu'on voit. Donc, il nous faut nous éduquer là-dessus. Je ne vais pas trop m'attarder. Je voulais juste rappeler avec vous un point que je n'avais pas rappelé lors du cours qu'on avait donné à la mosquée la dernière fois, qui concerne ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Une chose à propos de laquelle les gens jettent le doute aujourd'hui, des fondements, des gens de la sunna à propos desquels les gens jettent le doute aujourd'hui, le fait d'estimer une personne selon sa compagnie. Parmi les fondements des gens de la sunna concernant, quand j'ai dit les fondements des gens de la sunna, pour bien qu'on comprenne ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est un fondement qu'on dira, c'est un fondement comme par exemple l'obligation d'obéir au gouverneur ou les fondements des gens de la sunna concernant la foi. Non, je parle concernant ce sujet-là, comment estimer les gens, parmi les choses qui étaient comprises et acquises chez les gens de la sunna, chez les imams du hadith, et les gens de la sunna de manière générale, c'est qu'ils estimaient une personne selon sa compagnie. Une chose à propos de laquelle les gens jettent le doute. Lorsqu'une personne, elle apparaît clairement avec telle personne, certaines personnes vont jeter le doute en disant... Peut-être qu'il s'est passé ça, peut-être qu'il s'est passé ça, peut-être qu'il a une excuse par rapport à ça, peut-être qu'il a une excuse par rapport à ça. Les cas particuliers sont des cas particuliers. Mais ayyuhal ikhwa, une personne qui n'est jamais avec les gens de la sunna. Dans les assises des gens de la sunna, on ne la retrouve pas. Regarde, les vrais qui sont autour de toi sont des gens que tu vois dans toutes les assises des gens de la sunna. Tu as l'habitude de les voir. Tu sais que ça c'est un frère, même s'il tombe dans des erreurs, la manière de te comporter avec lui, comme on l'a vu ensemble aujourd'hui au cours du Asr. Tu te dois de le conseiller de la meilleure des manières, avec respect, parce que c'est quelqu'un parmi les gens de la sunna, il a ce droit-là sur toi. Mais les frères qui se prétendent des gens de la sunna, qu'à chaque assise des gens de la sunna, tu ne le vois pas. La khutba où tu vas, toi, faire des efforts, prier un peu plus loin de chez toi, dans une mosquée qui est un peu plus éloignée, pour assister chez un frère des gens de la sunna, lui, tu ne le vois pas. Lui, prie chez les gens de l'innovation, la baisse, la haraj. Cette personne-là, qui traîne et fait du copinage avec certaines personnes qui sont des gens clairement qui ne sont pas sur la sunna. Mais lorsqu'il est avec les frères de la sunna, des fois, il a des comportements, il est un petit peu éloigné, un petit peu froid. Ces personnes-là, il y en a beaucoup. Cette personne-là, sans aucun doute, chez les gens de la sunna, ils étaient estimés selon leur compagnie. Ils étaient estimés selon leur compagnie. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil » L'homme est sur la religion de son ami intime, que l'un d'entre vous regarde de qui il prend ou qui il prend comme ami intime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aussi cet exemple dans ce hadith que vous connaissez, Mathalul Jalisi Salih wal Jalisi Su, dans le sens approximatif de ces paroles, l'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est l'image du vendeur de musc et celle du forgeron, le vendeur de musc. Ou bien elle te donne un peu de son musc, ou bien elle te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien te nuit avec sa mauvaise odeur. Le hadith est unanimement reconnu authentique. Et sans aucun doute, la pire et la plus dangereuse des compagnies est celle des gens de l'innovation. La pire et la plus dangereuse des compagnies est celle des gens de l'innovation parmi les groupes innovés comme le Khawarij, le Soufia et autres. Et la voix des gens de la sunna était que les gens de l'innovation, faites bien attention, ceci est très important. Les gens de l'innovation, les gens de la sunna étaient dans un endroit et les gens de l'innovation loin de eux. C'est pour ça qu'il est rapporté de certains parmi les salafs, comme Al-Fudayl ibn Iyad, qui disait « Je mange avec un juif et un chrétien, mais je ne mange pas avec l'innovateur. » Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que la malédiction tombe sur lui au moment où il était avec cette personne-là. Ça, c'était la voix des gens de la sunna avec les innovateurs. Et qu'en est-il de celui qui copine un petit peu, qui est complaisant envers eux, alors qu'eux, ils ne sont pas complaisants envers toi? Tu penses que l'Ikhwani va délaisser son manhaj Ikhwani parce qu'il parle avec un salafi? Au contraire, bien souvent, ils essayent d'avoir un ascendant sur toi et ne s'effacent pas en ta compagnie. Tu crois que le tabliri va délaisser le fait qu'il fasse le khuruj ou qu'il appelle à Sifat al-Imani, à Sitta, etc., etc., parce qu'il est avec le salafi? Non! Non, il va te parler, même si toi tu essayes de tenir un truc, il va te dire « Ah oui, cette ville-là, je connais, j'étais en rouge là-bas la semaine dernière. » Il s'en fiche, il ne va pas s'effacer, il ne s'effacera pas. Ça, c'est la voie des gens de l'innovation. Il ne s'effacera pas que si toi, tu t'effaces. Que si toi, tu fais des concessions dans ta religion, éventuellement, il fera des concessions. Ils sont prêts à faire des concessions si toi, tu fais des concessions. Et la concession al-mudahana ne fait pas partie de notre religion. Le salafi, le sunni salafi, ne fait pas de concessions dans sa religion. Il fait ce qu'on appelle le mudara, c'est-à-dire il a de la sagesse lorsqu'il appelle les gens. Il a de la sagesse. La sagesse, elle fait que peut-être tu vois une personne qui est dans l'erreur, tu vas pas lui dire ça c'est une erreur, ça c'est une bid'a, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Non, la sagesse, elle implique que tu mettes chaque chose à sa place, comme on l'a vu au cours du asr. Ça c'est une chose. Mais le mudahana, c'est la concession en religion. Tu délaisses des choses de ta religion pour, tu prétends en tout cas, appeler les gens en délaissant des choses de ta religion. C'est l'heure de la prière, tu délaisses la prière pour faire da'wah, entre guillemets. Non. Tu délaisses des choses de ta religion pour appeler les gens de la bid'a. Non, ça n'existe pas. Et il est rapporté de Abu Qilaba qui disait, Rahimahullah, parmi Aimat Salaf, il disait, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne débattez pas avec eux. Pour les jeunes, ne débattez pas avec eux, en particulier sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Ne débattez pas avec eux et ne vous asseyez pas avec eux, car je n'ai pas l'assurance qu'ils ne vous noient pas dans leurs égarements ou qu'ils n'occultent beaucoup de choses que vous connaissiez. Comme il disait Hudayf ibn al-Yaman, inna ad-dalala kullu ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Le plus grand des égarements est que tu reconnaisses une chose que tu avais méconnue précédemment ou que tu méconnaisses une chose que tu avais connue. Tu as connu les fondements des gens de la sunna, mais tu la méconnais aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand des égarements. Et ici, le fait de s'asseoir avec les gens de la bid'a, tu es complaisant avec eux, ça devient tes amis. Tu commences à occulter certaines choses, les fondements des gens de la sunna dans la manière de se comporter avec eux. Pourquoi ? Tu occultes ces genres de choses. Tu méconnais ces genres de choses parce que c'est ton ami. Encore une fois, le ta'assoum pour tes amis, le suivi des passions et le suivi de et le fanatisme pour les gens qui sont de ton entourage. Et autre que cela, parmi les paroles des gens de science, je rappellerai juste ici, concernant estimer une personne concernant sa compagnie, ce qui est rapporté de l'imam Abu Daoud avec son shir l'imam Ahmed, ibn Muhammad ibn Hanbal, al-Shaybani, rahimahullah ta'ala, imam Ahli Sunna. L'imam Abu Daoud, qui... Sulayman ibn al-Ash'ath, celui qui était donc qui a rapporté le livre de As-Sunan, son cheikh, l'imam Ahmed ibn Hanbal, un jour il le questionna à propos d'une personne, des gens de la Sunna qu'il voit avec une personne parmi les gens de l'innovation. Il dit, je vois une personne parmi les gens de la Sunna avec une personne parmi les gens de l'innovation. L'imam Ahmed lui a dit, conseille-le. Et l'imam Abu Daoud de dire, je le conseille s'il ne revient pas. Il dit, conseille-le. S'il revient, c'est une bonne chose. S'il ne revient pas, c'est-à-dire s'il ne délaisse pas la compagnie de cette personne parmi les gens de l'innovation, c'est-à-dire, estime-le en fonction de cette compagnie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu le conseilles que cette personne qui est proche de lui, c'est une personne parmi les gens de l'innovation, il n'accepte pas cette chose-là. Continue à rester avec cette personne parmi les gens de l'innovation. Estime-le comme cette compagnie qu'il a parmi les gens de l'innovation. Ça, c'était la voix des gens de la sunna. Barakallahu fikum. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين